boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Commence Pop and Rock sur la très locale RVR, 13 ans douceur avec Dry Eyes, issu de Man Wild, une des pépites signées Dry Can, qui pour moi est le meilleur groupe français rock en activité, capable du meilleur comme du meilleur, tout en douceur comme dans Mad Hero, qui arrive tout de suite, c'est Dry Can dans Pop and Rock. Thank you. Alors, si quelques auditeurs sont des fidèles de Pop and Rock... Tiens, voilà que le programmateur rêve à nouveau. Oh, suffit, la voix off. Je disais donc, s'il y a quelques rares habitués de Pop and Rock, ils savent que Dry Can transpire aussi l'énergie, comme dans le Sceptical. Dryken, à ce jour, c'est surtout la multi-artiste Anne Laloupieri qui va de la créatrice artistique vidéo à l'agent de presse à qui nous on pense. Alors merci Anne pour les cadeaux que nous fait Dryken, des petits jingles pour notre 300e, à nos échanges allant jusqu'à la confiance de nous offrir les nouveaux morceaux avant les autres. patience, le nouveau Dry Can arrive, mais en attendant... Sitting on the side of this rainy road, you were just trying to hide and keep it unknown. Riding with no goal to where the wind blew, I was fleeing to forget about places I knew. I got off my car, you gave me this smile. On this rainy road I found the sunshine. Alors oui, 2026 marquera le nouvel album de Dry Can qui sera fou, mais pas que. Alors merci Anne pour la livraison express du Let's Do It qui arrive, premier single du futur album à venir de Dry Can. Thank you. Did I get it wrong? You went from love to hate in a heartbeat, to protect you from what you felt. You went from love to hate in a heartbeat, to protect you from what you felt. You went from love to hate in a heartbeat, to protect you from what you felt. You went from love to hate in a heartbeat. Ouais, des 5 Dry Can du soir, 4 étaient bien pépères. Mais ayez confiance, dans le prochain album, il y aura un petit peu d'énergie. En tout cas, pour l'instant, je vous envoie un petit dernier Dry Can, A-Side. Dry Can est dans Pop & Rock. Yeah. Jerry Drayton était dans Pop and Rock et sera encore longtemps dans Pop and Rock et on a hâte de les voir en live. Par contre, le groupe qui arrive, eh ben eux, ça sera juste dans Pop and Rock parce que pour les lives, je crois bien que c'est mort. Agora Fidelio. Et oui, Pop & Rock vous rappelle chaque semaine que le rock français est riche de son histoire mais aussi de son futur, grâce notamment à Dry Can, mais aussi à Stuck in the Sand, qui semble pourtant plus populaire en Amérique latine qu'en France. Oh, dommage! Off the TV and come dance with me. Nothing special, let's go dancing. Parmi les groupes français qui secouent le rock, il y a aussi Clinique Rodéo, duo rock, qui a pas mal ébranlé nos oreilles, même si pas trop de nouvelles traces apparentes pour le moment, alors on se contente donc de vieux trucs. Now this place became a ghost. rock de Clinique Rodeo, c'est pas mal en acoustique, même si franchement, peut-être même on peut dire qu'on préfère quand même en électrique. La semaine passée, j'ai vu un petit épisode de Stranger Things. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais en générique de fin, il y avait ce petit truc-là qui me rappelait les années 80. From the cradle bars comes a beckoning voice, the same spinning. You have no choice. We'll be right back. Ouais, c'était donc la Suxy et ses Benchies, et du coup j'ai ressorti mes vieux tubes. Spellbound, Playground Twist et surtout le fabuleux Happy House. Thank you. Et ouais, succès dans les années 80, c'était minimum un tube par album. Par contre, je suis incapable de dire si ça a bien vieilli. Et ouais, je crois que je suis trop fan. 79, Playground Twist. 80, Happy House. 81, Spellbound. 82, Petit Trou. Pour un rebond en 86 avec City in the Dust, avec lequel on finit notre 342e Pop and Rock sur la très locale RVR. Sur ce, ho ho, bon vent à tous.